Chapitre 21. Le Seigneur avertit l'Auguste Marie de fuir en Égypte. L'ange parle à Saint Joseph. Plusieurs autres choses relatives au voyage. Après que la Sainte Vierge et son époux Joseph furent de retour du temple, où ils avaient présenté l'enfant Jésus, ils déterminèrent de demeurer encore 9 jours à Jérusalem, et d'y visiter autant de fois le temple, en y renouvelant chaque jour l'offrande de la très sainte hostie, dont ils étaient les dépositaires, en action de grâce du bienfait qu'ils avaient reçu entre toutes les créatures. Notre divine dame révérait avec une dévotion singulière le nombre de 9, en reconnaissance des 9 jours pendant lesquels elle avait été préparée pour l'incarnation du Verbe. Comme je l'ai dit dans les 10 premiers chapitres de cette seconde partie, et en mémoire des 9 mois qu'elle avait portés dans son sein virginal, c'est pourquoi elle souhaitait de faire cette neuvaine avec son enfant Dieu, et de le présenter autant de fois au Père éternel, comme une offrande agréable pour de très hautes fins qu'elle avait. Ils commencèrent la neuvaine en allant chaque jour au temple avant l'heure de tierce, et ils y restaient en prière jusqu'au soir, choisissant avec l'enfant Jésus le lieu le plus bas, de sorte qu'ils se montrèrent dignes d'ouïr ces honorables paroles, que le maître du festin adressa à l'humble convié dans l'évangile, quand il lui dit: Mon ami, montez plus haut. Luc 14, 10. C'est ce que mérita notre très humble reine, et ce que pratiqua à son endroit le Père éternel, en la présence duquel elle répandait son âme, psaume 141, 2. Et étant en prière dans un de ses 9 jours, elle lui dit: Suprême Roi, Seigneur et Créateur de tout ce qui a l'être, voici la cendre et la vile poussière que votre seule bonté ineffable a élevée à la grâce, qu'elle ne savait ni ne pouvait mériter. Je me sens, Seigneur, irrésistiblement poussé à la reconnaissance par le torrent impétueux de vos bienfaits. Mais quel digne retour pourra vous rendre celle qui, n'étant qu'un pur néant, a reçu de votre très libérale bonté l'être et la vie, et de plus, tant de favorables effets de votre miséricorde, que peut faire pour le service de votre divinité infinie, celle qui est une créature faible et bornée? J'ai reçu, et je reçois de votre main, mon âme, mon être et mes puissances, et maintes fois je vous les ai offerts, je les ai consacrés à votre gloire. Je me reconnais votre débitrice, non seulement à raison de ce que vous m'avez donné, mais surtout à raison de l'amour avec lequel vous me l'avez donné, et parce que votre pouvoir infini m'a préservé entre toutes les créatures de la souillure du péché, et m'a choisi, moi fille d'Adam, et ville composée de matière terrestre, pour revêtir de la forme humaine votre fils unique, pour le porter dans mon sein et le nourrir de mon lait. Je proclame, Seigneur, cette ineffable bonté, et dans ma reconnaissance, mon cœur et ma vie s'épuisent en affection de votre divin amour, car je n'ai rien à vous donner pour tout ce que votre bras tout-puissant a fait en faveur de votre servante. Mais que dis-je? Une pensée me ranime, et mon cœur se réjouit de ce qu'il a de quoi vous offrir, et que le don qu'il peut vous faire est en substance avec vous une même chose. Jean 1, 1, égal en la majesté, dans les perfections et dans les attributs, la génération de votre entendement, l'image de votre être, Colossiens 1, 15, la plénitude de vos complaisances, votre Fils unique et bien-aimé, Matthieu 17, 5. C'est, Père éternel, le présent que je vous offre, l'hostie que je vous apporte, sûr que vous l'agréerez, comme vous me l'avez donné Dieu, je vous le rends Dieu et homme. Je n'ai, Seigneur, et les créatures n'auront jamais rien d'autre à vous donner, Et même votre majesté ne saurait leur demander un don plus précieux, et il est si grand, qu'il suffit pour le retour de ce que j'ai reçu. Je l'offre en son nom et au mien à votre suprême grandeur. Et puisqu'étant mère de votre fils unique, lui ayant donné la chair humaine, je l'ai fait frère des mortels, et qu'il a bien voulu venir pour être leur rédempteur et leur maître, je dois intercéder pour eux, défendre leur cause et solliciter leur remède. Or donc, Père de mon très saint Fils, Dieu de miséricorde, je vous l'offre de tout mon cœur, et je vous prie avec lui et par lui de pardonner aux pécheurs, de répandre sur le genre humain vos anciennes miséricordes, et de faire éclater vos merveilles d'une manière toute nouvelle. Ecclésiastique 36, 6. C'est le lion de Juda qui est devenu agneau. Apocalypse 5, 5. Jean 1, 29. Pour ôter les péchés du monde, c'est le trésor de votre divinité. 608. La mère de miséricorde, fils et prière, et plusieurs autres semblables, dans les premiers jours de la neuvaine qu'elle commença dans le temple. Le Père éternel répondit à toutes, les recevant avec l'offrande de son Fils unique comme un sacrifice agréable, il s'est pris de nouveau de la pureté de sa fille, de son unique et élu, et regarda sa sainteté avec complaisance. Et pour exaucer ses prières, le roi des rois lui accorda de nouveaux privilèges, et lui promit qu'elle obtiendrait tout ce qu'elle demanderait pour ses dévots, tant que le monde durerait, que si même les grands pécheurs se prévalaient de son intercession, ils trouveraient leur salut, et qu'elle serait la coopératrice de son très saint fils et maîtresse dans la loi évangélique, surtout après son ascension. Tant qu'elle notre reine deviendrait la protectrice de la nouvelle Église, et l'instrument dont la puissance divine se servirait pour y exécuter ses desseins, comme je le dirai dans la troisième partie de cette histoire. Lorsque la divine mère s'adonnait à cette sublime oraison, le Très-Haut lui départit plusieurs autres bienfaits, et lui communiqua de si grands mystères, que je ne saurais trouver des termes pour les exprimer. 609. Elle atteignit en y persévérant le cinquième jour, qui suivit la présentation et la purification, et comme l'auguste dame était dans le temple avec son enfant Dieu entre les bras, la divinité lui fut manifestée, et quoique ce ne fût point intuitivement, elle ne laissa pas d'être toute ravie et remplie du Saint-Esprit. Il est vrai qu'elle l'était déjà, mais comme Dieu est infini en son pouvoir et en ses trésors, il ne donne jamais tant qu'il ne lui reste de quoi donner davantage aux simples créatures. Dans cette vision abstractive, le Très-Haut voulut préparer de nouveau son incomparable épouse aux afflictions et aux peines qui l'attendaient, et pour l'animer et la fortifier, il lui dit, « Mon épouse et ma colombe, vos intentions et vos désirs sont agréables à mes yeux, et je les accueille toujours avec complaisance. Mais vous ne pouvez pas achever la pieuse neuvaine que vous avez commencée, parce que je veux que vous vous livriez à un autre exercice, où vous trouverez de quoi souffrir pour mon amour. Je veux que pour élever votre enfant et lui sauver la vie, vous sortiez de votre maison et de votre patrie, et que vous vous retiriez avec lui et Joseph votre époux en Égypte, jusqu'à ce que j'en ordonne autrement, car Hérode cherchera à faire mourir l'enfant. Le voyage est long et pénible, vous y essuierez de grandes incommodités, endurez-les pour moi, qui suis et serai toujours avec vous. 610. Toute autre sainteté et toute autre foi que celle de Marie aurait pu ressentir quelques troubles, comme les incrédules ont été fortement scandalisés en voyant un Dieu puissant fuir devant un misérable mortel pour sauver sa vie humaine, s'éloigner et s'absenter comme s'il eût été capable de crainte, ou qu'il n'eût point été homme et Dieu tout ensemble. Mais la très prudente et très obéissante mère ne répliqua pas un seul mot, elle n'eut aucun doute, et ne se troubla nullement de l'étrangeté du fait, et dans cette tranquillité, elle répondit, « Mon Seigneur et mon Maître, voici votre servante avec un cœur disposé à mourir pour votre amour, s'il est nécessaire, faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Je demande seulement que votre bonté immense, sans égard à mon peu de mérite ni à mes ingratitudes, ne permette point que mon fils et mon Seigneur soient affligés, et que les peines me soient réservées, à moi qui dois les souffrir avec justice. » Le Seigneur la renvoya à Saint-Joseph, à qui il lui dit de se rapporter pour toute chose dans le voyage. Ensuite elle sortit de la vision qu'elle avait eue, sans perdre l'usage des sens extérieurs, car elle tenait l'enfant Jésus entre les bras, l'extase n'ayant élevé que la partie supérieure de son âme. Il en rejaillit pourtant sur les sens des dons particuliers, qui les spiritualisèrent et les rendirent comme témoins de ce que l'âme était plus où elle aimait que là où elle animait. 611. Mais l'amour incomparable que notre grande reine portait à son très saint fils, attendrit en quelque sorte son cœur maternel et compatissant, par la pensée des peines que l'enfant Dieu souffrirait, selon qu'il lui avait été révélé dans la vision, et ce fut en versant des larmes abondantes qu'elle sortit du temple pour retourner à la maison où elle logeait, sans découvrir à son époux la cause de sa douleur. Et le saint l'attribua uniquement à la prophétie qu'ils avaient entendue de la bouche de Siméon. Mais comme le très fidèle Joseph l'aimait si tendrement, et qu'il était d'ailleurs naturellement officieux et délicat, il se troubla un peu, voyant son épouse si affligée, sans qu'elle lui fît connaître le sujet de ses nouvelles larmes. Ce trouble fut une des raisons pour lesquelles l'ange lui parla dans un songe, comme il avait fait à l'occasion de la grossesse de notre reine, ainsi que nous l'avons rapporté, car cette même nuit, Saint Joseph étant endormi, le même ange lui apparut et lui dit ce que raconte Saint Matthieu, 11, 13, « Levez-vous, prenez l'enfant et la mère, fuyez en Égypte, et n'en partez que lorsque je vous le dirai. » Parce que Hérode doit chercher l'enfant pour le faire mourir. À l'instant Saint Joseph se leva rempli de sollicitude et de peine, prévoyant combien souffrirait sa bien-aimée épouse, et allant la trouver dans sa retraite, il lui dit, « Chère dame, c'est la volonté du Très-Haut que nous soyons affligés, car son Saint-Ange m'a déclaré que Sa Majesté ordonne que nous fuyions avec l'enfant en Égypte, parce que Hérode projette de lui ôter la vie. Préparez-vous, digne ami, aux fatigues de ce voyage, et dites-moi ce que je puis faire pour votre soulagement, puisque je n'ai l'être et la vie que pour les employer au service de notre très doux enfant et au vôtre, mon époux et mon Seigneur. » Répondit notre reine, si nous recevons de la main libérale du Très-Haut tant de biens de grâce, il est juste que nous en acceptions avec joie les peines et les afflictions temporelles. Job 2, 10. Nous porterons avec nous le Créateur du ciel et de la terre, et s'il nous a mis si près de lui, quelle main sera assez puissante pour nous blesser? Psaume 17. 3. Fût-ce celle du roi Hérode, en portant où nous allons toutes nos richesses, le souverain bien, le trésor du ciel, notre maître, notre guide et notre véritable lumière, nous n'y saurions être exilés, car il est notre repos, notre héritage et notre patrie. Nous avons toutes choses l'ayant avec nous, allons accomplir sa sainte volonté. La très pure Marie et Joseph s'approchèrent du berceau où l'enfant Jésus était endormi, et ce sommeil n'arriva point sans quelque mystère. La divine mère le découvrit sans qu'il s'éveillât, parce qu'il attendait ces tendres et douloureuses paroles de l'amante, « Fuyez, mon bien-aimé, comme un fan de biche sur les montagnes des parfums, Cantique 8, 14. Venez, mon bien-aimé, allons au champ, et demeurons dans les villages, Ibidem, 7, 11. Mon unique amour, ajouta la tendre mère, très doux agneau, votre pouvoir ne saurait être limité par celui des rois de la terre, mais vous voulez le cacher par une très haute sagesse à cause de l'amour que vous portez aux hommes. Qui d'entre les mortels peut se promettre, mon bien-aimé, de vous ôter la vie, puisque votre pouvoir anéantit le leur? Si c'est vous qui l'a donné à tous, Jean, 10, 10, comment vous l'ôtera-t-on? Et si c'est vous qui les cherchez afin de leur donner celle qui est éternelle, comment veulent-ils vous donner la mort? Mais qui comprendra les secrets impénétrables de votre providence? Romains, 11, 34. Or donc, mon Seigneur et lumière de mon âme, permettez-moi de vous éveiller, car, quoique vous dormiez, votre cœur veille, Cantique 5, 2, 613. Saint Joseph dit quelque chose de semblable, après quoi la divine mère se mit à genoux, éveilla le très doux enfant, et le prit entre ses bras. Notre aimable sauveur, voulant donner des marques qu'il était homme véritable, et attendrir davantage son amoureuse mère, pleura quelque peu. Aux merveilles du Très-Haut en des choses qui paraissent si petites à notre faible jugement. Mais il se tut incontinent. La Sacrée Vierge et Saint Joseph lui ayant demandé sa bénédiction, il la leur donna d'une manière sensible. Et après qu'ils eurent ramassé ces pauvres langes dans la layette dans laquelle ils les avaient apportés, ils partirent sans aucun délai, un peu après minuit, se servant de la monture sur laquelle notre reine était venue de Nazareth. Et ils se dirigèrent du côté de l'Égypte avec toute la diligence possible, comme je le dirai dans le chapitre suivant, 614. Et pour achever celui-ci, j'ai reçu l'explication de la concordance qu'il y a entre les deux évangélistes Saint Matthieu et Saint Luc sur ce mystère, car comme ils écrivirent tous avec l'assistance et sous l'inspiration du Saint-Esprit, chacun d'eux connaissait par la même inspiration ce que les trois autres écrivaient et ce qu'ils omettaient. De là vient que par la divine volonté ils écrivirent tous quatre parfois les mêmes choses de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'histoire évangélique, et que dans d'autres endroits les uns ont raconté ce que les autres avaient omis, comme on le voit dans l'évangile de Saint Jean et des autres aussi. Saint Matthieu décrivit l'adoration des rois et la fuite en Égypte, Matthieu, 2, 1, etc., que Saint Luc ne décrivit pas, et celui-ci décrivit la circoncision, la présentation et la purification, Luc, 2, 21, etc., que Saint Matthieu avait omise. Ainsi, de ce que Saint Matthieu, ayant raconté le départ des rois mages de Bethléem, dit incontinent que l'ange ordonna à Saint Joseph de fuir en Égypte, Matthieu, 2, 13, sans parler de la présentation, il ne s'ensuit pas que l'enfant Dieu n'ait été présenté auparavant, car il est certain que cette présentation eut lieu après le départ des mages et avant la fuite en Égypte, comme le raconte Saint Luc, 2, 22. De même, quoique Saint Luc écrive immédiatement après la présentation et la purification, qu'ils se rendirent à Nazareth, Ibidem, 39, on ne doit pas inférer de là qu'ils ne soient allés auparavant en Égypte, car il est hors de doute qu'ils y allèrent, comme le rapporte Saint Matthieu, Matthieu, 2, 24. Quoique Saint Luc se taise sur ce point, et il n'a point parlé de cette fuite, ni avant, ni après, parce qu'elle était déjà racontée par Saint Matthieu, de sorte qu'elle arriva incontinent après la présentation, et avant le retour de la Sainte Vierge et de Joseph à Nazareth. Et comme Saint Luc ne devait pas écrire ce voyage, il fallait bien, pour suivre le fil de son histoire, qu'il raconta leur retour à Nazareth immédiatement après la présentation, que s'il dit qu'après avoir accompli les prescriptions de la loi, ils retournèrent en Galilée, Luc 2, 39, il ne nie pas pour cela le voyage qu'ils firent en Égypte, mais il continue le récit, en omettant la fuite qu'ils furent obligés de faire pour éviter la persécution d'Hérode. Et l'on infère même du texte de Saint Luc que leur retour à Nazareth eut lieu après leur voyage d'Égypte, puisqu'il dit, Luc 2, 40, que l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et que la grâce se montrait en lui, ce qui ne pouvait pas être avant qu'il eût achevé les années de l'enfance, par conséquent avant le retour d'Égypte, époque à laquelle il était dans un âge où l'on aperçoit ordinairement dans les enfants le principe de l'usage de la raison. 615. Il m'a aussi été découvert combien a été insensé le scandale des infidèles, ou celui des incrédules qui ont commencé à heurter contre cette pierre angulaire. 1. Pierre. 2. 8. Notre Seigneur Jésus-Christ, dès son enfance, en le voyant fuir en Égypte pour éviter la persécution d'Hérode. Comme si c'eût été un manque de pouvoir et non point un mystère qui tendait à d'autres fins plus hautes que celle de mettre sa vie à couvert de la cruauté d'un homme pécheur. Ce que dit l'évangéliste, Matthieu, 2, 15, devait suffire pour satisfaire un cœur bien disposé à savoir, qu'il fallait que fût accomplie la prophétie d'Osée, disant au nom du Père éternel, « J'ai fait revenir mon fils d'Égypte », Osée, 11, 1. Il est sûr que les fins qu'il eut en l'envoyant dans ce pays et en le rappelant sont très mystérieuses, j'en dirai quelque chose dans la suite. Mais, quand même toutes les œuvres du Verbe incarné n'auraient pas été si admirables et si pleines de mystères, il n'est personne d'un jugement saint qui puisse reprendre ou ignorer la douce providence avec laquelle Dieu conduit les causes secondes, en laissant agir la volonté humaine selon sa liberté, Ecclésiastique, 15, 14. C'est pour ce sujet, et non par manque de pouvoir, qu'il permet dans le monde tant d'injustices, d'idolâtrie, d'hérésie et tant d'autres péchés qui ne sont pas moindres que celui d'Hérode, et qu'il permit celui de Judas et de ceux qui effectivement maltraitèrent et crucifièrent sa divine majesté. Il est constant que le Seigneur pouvait empêcher tout cela, et qu'il ne le fit point, non seulement pour opérer la rédemption, mais pour nous procurer ce bienfait de la liberté, laissant agir les hommes à leur gré, selon leur volonté, et leur donnant la grâce et les secours que sa divine providence juge convenables, afin que par eux ils puissent opérer le bien, s'ils voulaient user de leur liberté pour ce même bien comme ils le font pour le mal. 616. C'est avec cette même douceur de sa providence qu'il donne aux pécheurs le temps de se convertir, et qu'il attend leur conversion comme il attendit celle d'Hérode. S'il usait de son pouvoir absolu et qu'il fit de grands miracles pour arrêter les effets des causes secondes, l'ordre de la nature serait confondu, et en tant qu'auteur de la grâce, il serait en quelque sorte contraire à lui-même comme auteur de la nature. C'est pour ce sujet que les miracles ne doivent éclater que rarement et que pour des fins singulières, car Dieu les a réservés pour des moments opportuns auxquels il veut manifester sa puissance et se faire connaître auteur de l'univers, et indépendant des mêmes choses qu'il a créées et qu'il conserve. On ne doit pas non plus être surpris de ce qu'il permit la mort des innocents qu'Hérode fit égorger, Matthieu 2, 16, s'il ne jugea pas convenable de l'empêcher par un miracle, c'est que cette mort leur acquit la vie éternelle et une abondante récompense, cette vie valant sans comparaison plus que la temporelle, que l'on doit sacrifier et perdre pour celle-là. Et si tous ses enfants eussent vécu et fussent morts d'une mort naturelle, peut-être tous n'auraient-ils pas été sauvés. Les œuvres du Seigneur sont justes et saintes en toutes choses, quoique nous ne pénétrions pas maintenant les raisons de leur équité, mais nous les connaîtrons en lui quand nous le verrons face à face. Instruction que la Reine du Ciel me donna. 617. Ma fille, entre les choses que vous devez tirer de ce chapitre pour votre instruction, que la première soit l'humble reconnaissance des bienfaits que vous recevez, puisque vous êtes, entre plusieurs nations, si distingués, si enrichis par les faveurs que mon fils et moi vous faisons sans que vous les ayez méritées. Je redisais souvent ce verset de David, « Que rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a faits ?» Psaume 115, 12, et, dans cette affection reconnaissante, je m'humiliais profondément, me regardant comme la plus inutile de toutes les créatures. Or, par la connaissance de ce que je faisais étant véritable mère de Dieu, vous devez considérer quelle est votre obligation, et avouer que vous êtes véritablement indigne de ce que vous recevez, et tout à fait incapable de le reconnaître. Il faut, ma fille, que vous suppléiez à cette impuissance de votre misère en offrant au Père éternel l'hostie vivante de son Fils humanisé, surtout quand vous le recevez sous les espèces sacramentelles que vous l'avez dans votre poitrine. Car en cela vous imiterez aussi David, qui, après s'être interrogé sur ce qu'il rendrait au Seigneur pour les faveurs dont il était comblé, répondait, « Je prendrai le calice du salut, et j'invoquerai le nom du Très-Haut. » Ibidem, 13. Vous devez recevoir le salut et travailler à celui de votre âme, Philippiens, 2, 12, en suivant les voies qui y conduisent, et en payant les divins bienfaits de retour par la pratique de la perfection. Vous devez aussi invoquer le nom du Seigneur et lui offrir son Fils unique, qui est celui qui a opéré la vertu et le salut, qui l'a mérité, et qui peut seul dignement récompenser ce que le genre humain a reçu de la main du Tout-Puissant et ce que vous avez reçu en particulier. Je l'ai revêtu dès la forme humaine, afin qu'il conversât avec les hommes, Baruch 3, 38, et qu'il fût à tous comme une chose propre. Et sa majesté s'est renfermée sous les espèces du pain et du vin, Jean 6, 57, pour se rendre plus propre à chacun en particulier, et afin que chacun en jouît l'offrir au Père éternel comme une chose qui lui appartient. Les âmes suppléant par cette offrande à l'insuffisance de ce qu'elles pourraient lui rendre sans elle, et le Très-Haut se trouvant comme satisfait par elle, puisqu'il ne saurait demander à ses créatures quelque autre chose qui lui fût plus agréable. 618. Après cette offrande, celle que les âmes font en acceptant et en supportant avec égalité et patience les peines et les adversités de la vie mortelle, lui est fort agréable. Mon très saint fils et moi avons été les maîtres excellents de cette doctrine. Sa divine majesté se mit à l'enseigner dès le moment que je l'eus conçu dans mon sein, parce que incontinent nous commençâmes à fatiguer et à souffrir. Psaume 78, 16. Sitôt qu'il fut né, nous endurâmes la persécution d'Hérode, et nous fûmes obligés de nous réfugier dans un pays étranger. Ses souffrances durèrent jusqu'à la mort de la croix. Et moi aussi, je souffris de mon côté jusqu'à la fin de ma vie, comme vous l'apprendrez par tout ce que vous en écrirez. Or, puisque nous avons tant souffert pour les hommes et pour leurs remèdes, je veux qu'en cela vous nous imitiez comme son épouse et comme ma fille, et que vous vous habituiez à souffrir avec un cœur joyeux et tranquille. tâchant d'augmenter les richesses de votre Seigneur et maître par la conquête des âmes qu'il a achetées au prix de sa vie et de son sang, et qui lui sont si chères. 1 Corinthiens 6, 20. N'épargnez jamais ni peine ni travaux, acceptez toutes sortes d'amertume et de douleur, si par leurs moyens vous pouvez gagner quelques âmes à Dieu ou les aider à sortir du péché, à améliorer leur vie. Prenez garde que la vue de votre pauvreté et du peu de fruits que vous tirerez de vos désirs et de vos soins ne vous fasse perdre courage, car vous ne devez pas douter qu'il n'ait soit agréable au Très-Haut, et vous ne savez pas jusqu'à quel point il peut lui plaire de les faire servir. Dans tous les cas, vous n'avez qu'à travailler avec activité, et à ne point manger paresseusement le pain dans sa maison. Proverbe 31, 27.